Dans le même projecteur, tout est noir par ici. J'ai de la pire de Bogota, sont sur Gotham, Gotham City. Sont sur Gotham City. Toujours en ce foire comme Rocco dans cul de pucelle. Omniprésent fort comme Congolais dans rue de Bruxelles. Faites monter ma plus grosse bouteille. Et la petite Emmanuela, je l'ai vue en bas par Jartel. J'avais langue pendue comme Balbuena. Il n'y en a qu'un, donc tout le monde reconnaît le duc. Vrais soldats reconnaissent putain, Prestos bas reconnaissent duc. Je brise des vies mais j'aurais pas Frenchy, elle préfère ma bite que mon accent car n'en est pas. Droit dans Tony, Joshua ferme la boca. L'argent de la meca paye l'avocat. J'suis réel comme Rosinha Carioca. J'te présente Jimmy deux fois Rally Ota. Ils ont allumé le projecteur, tout est noir par ici. C'est la pure de Bogota, j'monte sur Gotham, Gotham City. Tout est noir par ici. Ils ont allumé le projecteur, tout est noir par ici. J'ai de la pure de Bogota, j'monte sur Gotham, Gotham City. Tout est noir par ici. Le bullseye de compétition, j'obtiendrai leur paix par démolition. Prendront missionnaire ma mission, t'es bonne, c'est normal, nous choisissons filet mignon. J'leur mets aucun, j'fais l'addition à tous les hadpis de la région. Monte à bord, t'es hors la maison, ici beaucoup de merde nous baisons. Beaucoup de mères de famille nombreuses hélas. Ici bas je me suis permis beaucoup d'écarlés. Tu viens d'en bas, n'en cherche pas dans les étages. Mais plus de haine envers toi, t'es tellement nance. Je peux me gratter le davon mais tellement large. J'ai SX à ta portière, tu viens de quitter le bas. J'suis dans le DM à ta sorcière, elle a validé le bail. J'me fais sucer par une beauté divine en volant d'une Mercedes. Lui ai dit que j'aimais les gros culs, donc elle veut se faire les fesses. Je vais l'envoyer en Colombie, qu'on ne laisse pas la faire en S. On a des plugs un peu partout, ici bon c'est Los Angeles. Ils ont allumé le projecteur, tout est noir par ici. J'ai la pure de Bogota, j'monte sur Gotham, Gotham City. Tout est noir par ici. Ils ont allumé le projecteur, tout est noir par ici. J'ai de la pure de Bogota, j'monte sur Gotham, Gotham City. Tout est noir par ici.